de Maria Sima, Autriche, 2002. Deux familles vivaient côte à côte, l'une riche, et l'autre relativement pauvre. La petite fille de la famille riche dit un jour à sa mère qu'elle voulait donner ses beaux habits et ses jouets à sa petite voisine. La mère intriguée lui demanda pourquoi. Elle répondit qu'elle pourrait aller chez sa petite voisine et jouer avec elle, avec ses jouets. Ce à quoi la mère répliqua que cette petite fille pouvait bien venir jouer ici. Non, insista la petite. Je dois le faire et je le ferai. Les parents firent ce qu'ils purent pour la faire changer d'avis, mais en vain. Et finalement, elle fit exactement ce qu'elle dit. Deux jours plus tard, elle sortit précipitamment hors de la maison et fut renversée par une voiture. À sa mort, les parents étaient éperdus de douleur. Ils sont venus me demander pourquoi cela devait arriver. Alors j'ai accepté de le demander aux pauvres âmes du purgatoire, et la réponse est venue rapidement. Leur souffrance, à la perte de cette petite fille, a assuré qu'un de leurs garçons ne se perde pas. C'était donc une réparation anticipée, pour quelque chose que Dieu voyait arriver. Car maintenant ces deux enfants seront bientôt avec lui, et pas seulement un des deux.